Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. You out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de Puissance Maximale, semaine du 24 janvier 2011. L'équipe de Puissance Maximale est prête pour une émission extrêmement remplie et nous avons en studio François G. Couillard. Salut Vincent Langlois. Salut François. Alors, de ton côté, de quoi vas-tu nous parler François? Bien, on va avoir de la visite comme ça des gens de l'IGDA, l'International Game Developer Association, le chapitre de Québec, et on va parler de leur organisation puis les prochaines activités qui s'en viennent. Intéressant. Et il y a également Michael Michaud qui est avec nous en studio. Salut Michael. Salut Vincent. Et il y a un petit problème de micro, et c'est normal parce que je suis à la console. Alors, Michael, tu es de retour. T'as le micro, Andrew, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Le micro, Andrew, c'est toujours le micro qu'on oublie d'ouvrir, tout simplement. Et ça va bien? Super, oui, vraiment. On est en forme aujourd'hui. Et toi, Michael, tu vas faire une entrevue avec quelqu'un de Gatineau, c'est bien ça? Oui, aujourd'hui, on va parler avec M. Luc Biron, président de la Société d'animation japonaise de Gatineau et un des principaux organisateurs de la convention G-Animé. On va parler de cet événement-là, événement que Puissance Maximale va aller couvrir aussi lors de l'événement. Oui, on a bien hâte de voir justement votre couverture qui sera presque en direct. Finalement, on aura des commentaires assez souvent par Internet. Et on va débuter en musique, comme à l'habitude, à Puissance Maximale. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Et c'est de la patte gauche que je vais pouvoir vous faire partir cette chanson. Alors, on va y aller avec une chanson d'un certain groupe québécois qui sont les Trois Accords. On y va avec Caméra Vidéo et c'est sur Puissance Maximale que vous entendez ça. Je pars avec mon appareil photo. Derrière la gare, les passants, même les escabeaux. Préfère encore traverser par la flaque d'eau que par le je sors avec mon appareil photo. J'attends dehors au café du boulevard du haut. Les gens m'ignorent, c'est tout de même les animaux. Me collaborent pas du tout. Thank you. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Alors oui, vous êtes de retour à Puissance Maximale et donc on reçoit l'International Game Developer Association. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une société qui regroupe des développeurs de jeux vidéo dans le but d'améliorer leurs conditions de travail, leur vie, leur travail. Et les chapitres, qui sont des organisations locales, cherchent à créer des liens informels entre les développeurs et les communautés. Et le chapitre de Québec existe depuis 2006 et on reçoit Alexandre Fizet. Salut Alexandre. Bonjour. Alexandre qui est aussi employé chez Binox. Donc, ça existe depuis 2006. Pourquoi ça a été créé à l'origine? Bien, au départ, l'IGDA, c'est quelque chose d'international. Fait que pas mal toutes les villes grosses en jeux vidéo ont leur propre chapitre. C'est démarré de Santa Monica dans les années 90. Puis avec le temps, ça s'est vraiment étalé en Amérique un peu partout. Puis Montréal a son propre chapitre depuis vraiment longtemps, qui est vraiment gros. Il organise plus d'un événement aux deux semaines. Puis d'un événement aux deux semaines? Oui, c'est ça. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde qui participe. C'est vraiment une grosse communauté. Puis là, à Québec, c'est parti en 2006. C'est vraiment une gang de peut-être 4 personnes qui ont démarré ça. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, ça a évolué, ça a grossi. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait parce que les compagnies, le GDA, c'est vraiment quelque chose qui en branche internationalement avec, tu sais, ça fait un lien entre les villes. Puis c'était vraiment important, c'est quelque chose. Puis c'est à but non lucratif partout. Fait que tu dis que c'était un besoin important. Pourquoi exactement? Mais en gros, c'est pour autant pour les développeurs que en tant que développeur, c'est important. Mettons pour moi, ce que ça peut m'apporter, c'est des conférences. Avec l'IGDA, ça a un certain nom, un certain prestige. Puis ils accepteront pas n'importe qui non plus. Ils acceptent vraiment juste des développeurs. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est du monde motivé à vouloir pousser plus loin leur côté professionnel. Fait que tu assistes à des conférences qui fait que tu en apprends plus, tu te développes personnellement. Alors, ben le monde qui ont fait ça, c'est du monde qui voulait autant assister à ces conférences-là que partager ça avec leur milieu. Donc. Et là, tu parles, Alexandre, de conférences, mais il y a aussi toutes sortes de choses. Il y a des activités aussi pour le grand public, il y a des choses juste pour les développeurs. Il y a même des activités sociales, carrément. Il y a même un party, là. C'est sûr que ça s'est modifié avec le temps. L'IGDA s'est mis à... Au départ, c'était vraiment des conférences un peu partout. Vraiment accès professionnel. Mais nous, à Québec, la situation est un peu différente. C'est pas une métropole, c'est pas comme Montréal. Fait qu'on s'est dit, on va être plus, comment dire, familial. Okay. On va vraiment axer nos trucs et pour les étudiants et pour les développeurs. On en fait pour un peu tout le monde. Okay. Ça fait connaître le chapitre, ça fait connaître l'ambition, ça fait grossir l'industrie du jeu vidéo à Québec. Oui, on fait un peu de tout, mais dans les parties, dans les trucs qu'on fait, c'est souvent majoritairement des développeurs et des étudiants motivés à travailler dans le domaine. Dans le fond. OK, OK. Puis le but, évidemment, c'est un peu d'intéresser les étudiants peut-être au métier. Exact. OK. Donc, quelles activités là que vous mettez de l'avant? C'est quoi vos priorités? Là? On parle justement de conférences, de trucs comme ça? Oui, c'est ça. Là, récemment, la semaine dernière, on a fait le Warp Zone qui a attiré près de 400 personnes. Deux journées après, on a fait une conférence avec Sarbacane sur le game design. Il y a eu environ 80 personnes. Ça a touché son public. C'était vraiment bien. Et là, le 8 février prochain, c'est une conférence de Frima Studio. C'est plus orienté production. J'ai pas tous les détails avec moi, mais l'information va suivre. Mm-hmm. C'est vraiment bientôt. Fait qu'on va envoyer le flyer, on va afficher ça partout. Super. Donc, le 8 février. Et les champs d'expertise de l'IGDA, là, c'est assez large. Là. J'ai vu sur le site Internet de l'espèce d'organisation nationale, oui. IGDA.com, il y a des positions, par exemple, contre la censure, les conditions de travail, des positions aussi sur l'accessibilité des femmes et même des groupes LGBT. C'est quoi exactement les problèmes les plus fréquents peut-être à Québec là? Bien, pour l'IGDA, à Québec, on n'est pas nécessairement impliqué à ce niveau-là parce que les compagnies à Québec ont quand même une éthique très développée. C'est pas comme je connais des cas particuliers, surtout à Santa Monica, par exemple, des firmes qui engagent du monde avec les contrats puis qui les laissent aller. T'sais, c'est vraiment des mises à pied massives. Il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Ici aussi, là, il y a eu des cas de mises à pied massives. Oui, mais les mises à pied étaient très, très justifiées, contrairement à une mise à pied qui est seulement à des fins d'être de plus en plus profitable. Je sais pas comment expliquer ça, mais la mise à pied qu'il y a eu récemment chez Sarbacane, par exemple, c'était une mise à pied qui était justifiée. Aujourd'hui, ils commencent à réembaucher. C'était une mauvaise période pour eux. Un peu partout dans le monde, ça s'est passé comme ça. Mais aussi ici, on a des lois concernant justement les minorités ethniques. Il y en a beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo à Québec et à Montréal aussi. C'est pas vraiment un problème. J'ai même contacté à ce sujet le responsable à Montréal, savoir ce qu'eux faisaient de ce côté-là. Il m'a vraiment répondu que c'est surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, l'IGDA offre aussi une assurance pour les maladies. Pis c'est ah oui, l'IGDA offre ouais, c'est ça. À ses membres. C'est sûr que le coût du membership, qu'on appellerait, est quand même dispendieux. C'est un 60$ par année. Mais bon, aux États-Unis, la situation de l'assurance est complètement différente, exact, on s'entend. C'est ça. Mais pour le rôle de l'IGDA, finalement, aux États-Unis, ça a quasiment un rôle comme semi-syndical à un certain exact niveau aux États-Unis, ouais, contrairement ici. Ici, c'est vraiment un rôle de communauté. On n'a pas de besoin vraiment de faire ça parce que je pense qu'on a les lois puis on a vraiment un système plus social ici orienté vers l'ouverture d'esprit puis des trucs comme ça. Je pense vraiment pas qu'on a besoin de mettre des pressions de ces compagnies-là. Est-ce que les activités de l'IGDA sont réservées seulement justement aux développeurs ou aux étudiants ou il y a certaines activités qui sont ouvertes au grand public pour ouvrir un peu l'univers du développement de jeux vidéo? C'est toujours au grand public depuis... Comme le Warzone, par exemple. Ouais, exact. Dans les dernières années, ce qu'on a fait, c'est souvent gratuit. On essaie le plus possible que ce soit gratuit. Le Warzone, ça coûtait quelque chose parce qu'il y avait beaucoup d'infrastructures derrière ça. Mais nos conférences sont gratuites. C'est financé par les compagnies de la Ville de Québec. Puis tout le monde peut venir. Il y a souvent, on peut voir des jeunes adolescents qui viennent. C'est rare, mais par pure curiosité, ça peut arriver. Mmh. Là, Alexandre, tu dis tantôt, à Québec, ça va bien, quand même, la situation des travailleurs est bonne. Est-ce que tu qualifierais la situation de parfaite? Non, c'est jamais la perfection. J'aimerais ça voir plus de petits développeurs. C'est sûr que là, il y en a avec Genia puis Berserk. C'est toutes des nouvelles compagnies en émergence. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment avoir. Voir une grosse compagnie venir s'installer ici, je trouve que c'est légitime. On a le personnel, on a le monde qualifié. Mais de voir des compagnies d'ici démarrer, moi, c'est ce que j'aime le plus. Le genre de choses qu'on entend souvent de la bouche des développeurs de jeux vidéo, c'est quelque chose que j'ai observé là à travers le temps. Souvent, le problème, c'est de l'horaire, tu sais, les entreprises vont souvent demander à leurs employés de travailler quand il arrive le deadline, c'est toujours, ils appellent ça le crunch time, donc on travaille des heures... 60, 80 heures, des fois on parle là, par semaine. Est-ce que c'est le genre de choses qui peut arriver ici? Oui, personnellement, ça m'est arrivé. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on essaie le plus possible d'éviter. Puis si quelqu'un, par exemple, plein de monde en dort, c'est sûr que si tu vois ça, puis moi, j'ai déjà fait plus que 80 heures dans une semaine, c'est quelque chose que j'étais très d'accord avec. Okay. Je voulais que le projet avance. Puis j'ai aussi géré une équipe. Dans mon équipe, il y avait quelqu'un sa blonde est enceinte. Elle avait besoin de plus de support. Il avait besoin de plus de temps à la maison. Il faisait son 40 heures semaine, puis la compagnie ne l'a pas mis dehors pour ça. Si tu as des raisons, puis si ça tu ne veux pas, personnellement, t'investir à ce niveau-là, il y a toujours des alternatives. Il n'y a jamais une compagnie qui va faire non, fait du 70 heures semaine. Mm-hmm. C'est tout le temps sur une base personnelle. Donc, Alexandre Fizet, donc membre coordonnateur de l'IGDA Québec, le chapitre de Québec, donc l'International Game Developer Association. Donc, les prochaines activités, tu as parlé le 8 février, peux-tu rappeler peut-être? Il y a plus tard, dans le fond, il y a le 8 mars, si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe, ça a peut-être changé. Une activité portfolio pour les étudiants, ils se présentent avec leur matériel, puis nous autres, on synchronise ça avec les compagnies locales pour avoir des professionnels qui analysent puis qui leur donnent du feedback, mm-hmm. parce qu'en mars, c'est bien ciblé, c'est avant la fin de leur cohorte. Fait qu'ils peuvent réadapter leurs travaux pour se permettre une meilleure entrée sur le marché du travail. Puis un mois plus tard, en avril, on a une conférence d'un game designer qui vient de LucasArts à San Francisco, est déménagé récemment pour travailler chez Binox ici à Québec. Lui va faire une conférence sur le game design. Et 8 février, peux-tu rappeler les informations? En fait, 8 février, conférence de Frima Studio au Resto Bar Le Cercle. Le 8 mars, la soirée Portfolio au resto-bar Le Cercle aussi. Puis la conférence de Binox, c'est, je crois que c'est le 27 avril, mais ça reste à confirmer. C'est bon. Au même endroit, puis c'est toujours à partir de 18h. Excellent. Donc, merci beaucoup. Et donc, pour plus d'informations, il y a moyen d'aller sur le site internet igdaquebec.com, igdaquebec.com. Sinon, il y a un Facebook, il y a un Twitter, il y a tout ouais, ça. Le site est en construction présentement, fait que je dirigerai plus les gens vers le Facebook. Parfait. Alexandre Fizet, merci beaucoup d'être venu. Et merci à vous. Excellent. Les informations seront aussi disponibles sur le site de Puissance Maximale, parce qu'on vous rappelle que Puissance Maximale, ce n'est pas seulement une émission de radio, mais également un site Internet, une page Facebook et même un Twitter. Si vous voulez aller voir un peu les commentaires que je laisse de temps en temps, bien sur Twitter, vous n'avez qu'à faire Vincent Langlois dans un seul mot. Et vous aurez mes commentaires sur, en fin de compte, plein de choses, les jeux que je joue. Et, des commentaires toujours pertinents. Et non sur la vie personnelle. Et bien, c'est ça. www.puissancemaximale.com pour aller sur notre page Internet, sur Facebook. Vous n'avez qu'à faire Puissance Maximale, vous allez le trouver facilement. Et vous avez sur notre page Internet nos adresses courriels pour nous envoyer tous vos commentaires. On les reçoit à chaque semaine, on les lit. Et nous sommes très, très contents de vous lire. Et on va continuer en musique, messieurs. On va y aller avec une chanson on était rendu au Cowboy Fringant, si je peux le retrouver. Et ça ne sera pas très, très long parce que je l'ai sur le bout. Oui, et voilà, c'est les hirondelles des Cowboys Fringants dans quelques instants. Et si vous avez écouté ça sur CKIA Puissance Maximale. Survolant les gens du haut du regard, voix des sans égards. Mais sa suffisance n'était que défense et un truc pour sauver les apparences. Car cette timide avait toujours été en vraie vie d'amitié solide. L'image que l'on donne. Peuvent être une cage. Et qu'il avait l'âme du bon vivant, homme sans tourment qui se laissait aller au gré du vent, un Roger Bontemps. s'enivrait, c'est qu'il se tairait au fond de lui un malaise, un boulet. Et son air gaillard, tout comme sa face à dodo fêtard, n'était que rempart. L'image que l'on donne n'est pas toujours la bonne. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et nous sommes de retour sur les ondes de CKIS et Puissance Maximale et on va y aller avec Michael qui est en entrevue. En fin de compte, nous sommes en ligne avec quelqu'un de Gatineau pour parler justement d'un événement qui s'en vient. Ben oui, Vincent, dans deux fins de semaine, en fait pas la prochaine, mais l'autre, les 5 et 6 février prochains, à Gatineau, au Palais des Congrès, on va se rendre, nous, Puissance Maximale, à J'Anime, qui va être une convention, justement, d'anime, de manga, comme il y avait eu lieu à Québec ici avec Happy Kimono. Gatineau, c'est une convention qui a 3 ans. On est en ligne avec M. Luc Biron, président de la Société d'animation japonaise de Gatineau et un des organisateurs principaux de la convention. Bonjour, Luc. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Très bien. On a hâte à 2 semaines. Là. C'est la grosse fête qui commence. Oui, vous autres, le rush d'organisation doit être pas mal. Vous êtes pas mal dedans présentement? Oui, ben là, les plus gros problèmes sont des problèmes de badges, de livres, mais ça, c'est une autre histoire. c'est plus des problèmes de publication plus que d'autres choses pour le moment. Ah, ben écoute, au moins on sait que c'est juste ça. On sait que l'événement va bien se passer quand même côté organisation. On sait c'est quoi un peu une convention d'animé. On en a parlé justement avec Happy Kimono. On en parle depuis longtemps avec Andrew, d'ailleurs, à Puissance Maximale. Mais J-Anime, c'est une convention qui a déjà 3 ans. C'est sa 3e édition. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des activités qu'il va avoir cette année, entre autres, à celles qu'on connaît un peu plus dans les conventions, mais je sais que tu as des nouveautés aussi cette année. Ben oui, ben pour commencer, parce que une de nos plus grosses faiblesses a toujours été d'avoir des activités sur place un petit peu plus développées. Cette année, je pense que l'évolution de J-Anime va être sur le niveau des activités. Entre autres, on va avoir J-Idol qui va arriver cette année, donc un concours d'idoles finalement, comme on voit régulièrement. On a eu le personnel pour le faire. On a aussi une parade de mode de Lolita de mode japonaise avec Lolita, Décora, etc., qui est organisée par la communauté, justement, de Harakuju du Québec. Donc, c'est une grosse amélioration qu'on a cette année. On peut dire aussi que cette année, on a le retour de le squelette dans le placard, et cette année, ça devrait être assez épique sur ce niveau-là, justement. Ça devrait être meilleur que la première année qu'on avait organisée, puis que les participants n'avaient pas l'air de comprendre les règles du jeu, un jeu qui est... Les participants ne savaient exactement pas comment le jeu fonctionnait et l'animateur non plus, fait que ça aidait vraiment pas la cause. Cette année, c'est même moi-même qui va faire l'animateur. Je peux vous garantir que ça va très bien rouler. D'ailleurs, on l'a vu à Québec Kimono pour ceux qui étaient là. Ça, c'est un des gros avantages. Cette année, une grosse amélioration est encore sur les doublages français disponibles ici. Je peux garantir qu'on a vraiment une lignée de diffusion qui est plus qu'acceptable. On a vraiment 3 volets dans la section doublée française, dans cette salle-là. On a vraiment une section de films à grand prix, là, hein, qui sont dignes d'Oscars, qui ont gagné des prix à Nice, etc., avec la traversée du temps, avec Summer War, entre autres. On a quelques blockbusters avec Code Geass, avec justement Gundam 00, qui sont parfaitement doublés, d'ailleurs. Mais on a aussi gardé un côté très, très... vieille école nostalgique avec d'ailleurs entre autres l'oiseau bleu qui va être présenté et Sherlock Holmes, la version chien des années 80. Donc qui vont satisfaire à peu près tous ceux qui, en tout cas n'importe qui cherche quelque chose de bien doublé. Ça, c'est sans compter, on a toutes les nouveautés en sous-titrées en français du Japon qui ont été sélectionnées en français. Et je peux vous dire qu'avec des séries comme Densetsu no Yosha et Working, la place et la table est mise. Puis bien entendu, on a quand même vu qu'on a quand même une clientèle anglaise. On a un volet à un tiers d'anglais dans les diffusions. Donc ça, c'est bien entendu, c'est toujours très bien sur ce point-là. Là. On a du full metal alchimiste et on a beaucoup de qualité Blu-ray en plus là, qui vont sortir sur grand écran. Ben on sait que Janime, c'est une justement de ses missions justement de promouvoir le français dans la région d'Ottawa, puis aussi il y a évidemment beaucoup de contenu anglophone aussi. Donc projection encore meilleure cette année. J'ai vu aussi dans les activités que vous aviez karaoké, mais vous avez aussi des concours puis des tournois. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme concours et tournois cette année à Janime? C'est quand le Carton Mexicain de Montréal a décidé de s'impliquer avec notre événement. Donc on a un tournoi de cartes de Yu-Gi-Oh, donc il y a une PlayStation 3 à gagner. Pensez que c'est pas beaucoup, ben on peut vous dire qu'on a aussi un Naruto avec une Xbox 360. Si vous pensez que c'est pas encore assez, ben on a un concours de Pokémon avec une Wii à gagner. Puis pour terminer le tout, on a en plus un tournoi de World of Warcraft dont en premier prix qu'il y a une PSP à gagner. Je peux vous dire que la Xbox 360, ça serait une version Final 13. La Wii, c'est une version Game Boy, c'est une version Super Mario Bros. Rouge. Oui. Puis la PSP, je pense, une PSP Go, je pense, grosso modo. Là. J'ai reçu exactement qu'est-ce que c'était pour le festival. C'est qu'on a quand même des concours intéressants avec des prix plus intéressants. Oui, on a invité juste un jeu de cartes, on a 1000$. Cette année, on a la section des jeux de cartes. On va bientôt sortir l'horaire dans une ou deux journées en ce qui concerne les jeux de table, parce qu'on a une section de jeux de table dans la section jeux vidéo. Je peux vous garantir qu'elle est très bien occupée. Elle est organisée par Ludo Outaouais, qui sont reconnus. On va avoir aussi le Game Summit, le sommet du jeu, qui vont être là avec pour nous aider avec sur ce point-là. En plus de toutes ces activités-là, j'ai vu aussi que vous allez avoir comme concours de modèles de Gundam. Vous allez avoir la course au costume qui, si je me rappelle bien, un genre de chasse au trésor pour trouver des cosplays selon une liste qui est remise aux participants. C'est de retour encore cette année? Oui. OK. Et aussi, j'ai vu qu'il allait y avoir quand même une longue, longue liste d'invités. Tu pourrais-tu nous en parler un peu de ce qui va être des personnes qui vont être présentes? Quel genre d'invités vous avez cette année à Janime? Ben, pour commencer, on a le Liana Kay, l'ultimate fangirl, qui est toujours la fille de Head the Sox, qui est toujours collée sur Head the Sox. On a bien sûr le retour de la brigade SNW, donc nos fouteurs de merde par excellence. Et d'ailleurs, Imnar va même animer la mascarade. On a Gravely Macabre, qui est un maître cosplay des États-Unis, qui va être notre maître de cérémonie. D'ailleurs, habituellement, il fait la cérémonie d'Anime North. C'est notre maître de cérémonie anglais pour la mascarade. On a Kiowa Québec, le regroupement de mangaka québécois. On a Milady Courchaine, qui a écrit L'Astrade, qui est une BD. Une BD. On a aussi... j'en ai vraiment un peu trop. J'ai l'Ontario Anime Societies. J'ai Hubert Corriveau, qui revient cette année, spécialiste des jeux vidéo. J'ai bien entendu Laurence Perrault, alias Pomme, un modèle de Lolita, très très connu dans le milieu, justement. Bien entendu, on a de Québec, on a Julien Manter, qui est la sommité par excellence que vous pouvez trouver dans la ville de Québec en Gundam, en animé et en vieille école. C'est vraiment une des personnes les plus solides en contenu et en plus en comic book en même temps. Donc tout ça, ça s'annonce très bien pour cette édition de cette année. C'est qu'on a encore beaucoup, beaucoup d'invités à G-Anime cette année. Puis dans les événements importants, on a encore une fois la mascarade. On a parlé tantôt de G-Idol 2011, qui va être un concours de chansons un peu à la American Idol. Et on a des exposants cette année dans la salle des exposants, donc salle des vendeurs et des artistes. Est-ce que tu as des nouveaux vendeurs? Est-ce que la superficie a été agrandie cette année pour la salle des exposants? Elle a agrandi, mais on a trouvé le moyen de rajouter des tables à l'intérieur, d'optimiser la place. D'ailleurs, il y a eu un total, un rajout de à peu près pour 5 tables d'artistes et un 3 tables de plus de marchands. Donc, on est rendu avec un total de 110 tables en ce moment. La salle est pleine à craquer. D'ailleurs, je ne sais même pas comment le monde va pouvoir se promener dans la salle. Ça va être l'enfer. Mais c'est vraiment une belle salle de vente. D'ailleurs, on est le seul festival de moins de 2000 personnes qui est capable d'avoir une salle de 10 000 pieds carrés. En règle générale, les festivals ont de l'air à avoir une salle de 5 000 pieds carrés justement dans ces tailles-là. Donc, on a pour la taille, on est le festival qui offre le plus de superficie en règle générale, mais aussi la plus grande superficie avec pour sa salle de vente. En ce qui concerne la mascarade, on est un des rares festivals en bas de 2 000 personnes qui peut se vanter d'avoir une scène solide, bien organisée, avec les lumières au plafond. Donc, on a une salle de présentation qui est vraiment très bien. Pour cette année, la mascarade, on s'attend, ben, je sais pas à combien vous attendez, mais vous acceptez jusqu'à combien d'entrées cette année à la mascarade? Je pense que c'est encore le 40 entrées. Sachez qu'on ne l'a jamais vraiment encore fait. Mais de plus en plus, les cosplayers commencent à vouloir avoir leur place à Janimé. C'est quand même le deuxième festival le plus important au Québec, après Otakuton. D'ailleurs, la réputation de la mascarade n'est plus à faire à Janimé. C'est reconnu comme solide. C'est des maîtres internationaux qui viennent juger en règle générale. Donc, il n'y a pas de problème à ce point-là. Donc, on parlait justement de la mascarade. Là, c'est un événement des plus sérieux. Donc, cette année, vous avez le 40 entrées comme l'année dernière environ. Est-ce que toi, personnellement, tu t'attends à une grosse augmentation de la fréquentation du festival en général pour Janimé cette année? Je m'attends à une augmentation aussi faible soit-elle si je me fais mes chiffres de préinscription. Malheureusement, je peux pas prévoir une montée. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient jouer en faveur pour nous et qui pourrait jouer en défaveur en ce moment. Donc, j'espère avoir une augmentation substantielle, mais en ce moment, les chiffres montrent que je vais avoir une légère augmentation. D'accord. Puis j'ai vu aussi dans les activités cette année, dans les nouvelles activités, je sais pas, c'était sur le site Internet, la guerre des clans, mais version otaku. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce concept-là d'activité? Ben, c'est carrément l'émission de la guerre des clans, carrément. C'est juste, cette activité-là va se passer en anglais, donc malheureusement, il y a certaines activités qui doivent être faites en français ou en anglais. Puis bon, on essaie d'y répartir. Donc cette activité-là est dans la salle anglaise. Par contre, on a réussi à faire un sondage en quelques jours, où ce qu'on a ramassé en haut de 250 réponses sur une centaine de questions pour faire justement un sondage pour pouvoir dire, pour pouvoir faire justement une émission de la guerre des clans, comme vous voyez à V, justement. Donc c'est à peu près ça, grosso modo. C'est très bien roulé, ça va être très bien organisé, ça peut vous le garantir. Donc, une nouvelle activité encore à Janimé cette année. Alors, pour terminer finalement avec Luc, est-ce que tu pourrais nous rappeler les dates, l'endroit et le tarif pour les gens qui vont se présenter à Gatineau dans 2 semaines? Ben oui, bien sûr. Le festival va avoir lieu le 5 et 6 février. Le 4, on peut quand même venir chercher les préinscriptions. Les inscriptions peuvent quand même s'inscrire sur place de midi à jusqu'à 5 heures. Les heures d'ouverture le samedi sont de 8 heures jusqu'à minuit, bien entendu. Et par la suite, vous avez vos heures d'ouverture, d'ouverture le dimanche qui ouvre à 8 heures jusqu'à 7 heures. Le soir. Le tarif est pour la fin de semaine de 40$ et 30 pour le samedi et 25 pour le dimanche respectivement. Donc, ben, merci beaucoup, Luc. Luc Biron, président de la Société d'animation japonaise de Gatineau et aussi un des organisateurs de Janimé. Je te remercie beaucoup de ton intervention à l'émission et on se revoit la prochaine fois. Avec plaisir. Alors, pour nous, Puissance Maximale, nous serons là pour couvrir l'événement. Oui, on a bien hâte de vous suivre avec toi et Andrew, vous allez être là? Oui, moi et Andrew qui va travailler à Janimé, lui, comme un des jurés sur l'activité aussi, une activité qu'on a oublié de mentionner, le AMV, donc concours d'AMV, le Anime Music Video, où il va être juré, puis aussi il va participer aux différentes capsules qui vont être faites et entrevues qu'on va faire pour Puissance Maximale. Alors, ça s'en vient dans 2 semaines. Toujours intéressant de suivre, de couvrir des événements de la sorte. Alors, j'ai animé dans 2 semaines et on aura un retour là-dessus complet avec les membres de Puissance Maximale, Michael et Andrew, y seront. Alors, on va y aller en musique immédiatement et on y va avec une chanson de Comme un homme libre, c'est « J'ai des roses d'Inven ». péché. Ça prend que l'air s'échue, mon ozone agonise. Notre histoire prend les traits, ne pas leur déchirer. Faut que je sauve des chats morts, faut que je sauve des chats morts. J'ai des roses de veine, des roses de veine. J'ai des roses de veine, des roses de veine. Listening to Sans Maximal. Qui de mieux qu'Alexis Pajenov pour parler de Puissance Maximale? On l'avait interviewé il y a de cela quelques mois et vous pouvez toujours retrouver l'entrevue sur le site de Puissance Maximale au www.puissancemaximale.com. Et c'est le moment de faire un peu d'actualité, Michael. Oui. Et juste pour vous dire, en fin de semaine, j'ai vu ça justement sur Internet que samedi, le 22 janvier, eh bien, on a atteint le 10 milliards d'applications téléchargées sur le App Store. Assez incroyable quand même. Il y a 400 000 applications disponibles. Et la personne chanceuse, si je me souviens bien, elle était en Europe. Je pense que ça se passe au Royaume-Uni. Okay. Et je pense qu'on lui a remis 10 000 $ en possible d'achat sur le App Store. Mais 10 000 $ sur le App Store, l'Apple Store, oui, en général? Oui, ou je pense que je pense que c'est en général. Là, okay. Ça doit être sur l'iStore, tout simplement. Okay. Et 10 000 $ à dépenser, quand même, c'est intéressant. Hein? Ben, ça fait des nouveaux gadgets qui rentrent à la maison, ça. Avoir su, hein? Toi, t'aurais pu être celui, là. J'ai tellement aucun rien d'Apple chez nous. Moi non plus. Ah oui, j'ai un iPod, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux pas vraiment télécharger comme si c'était un iPod Touch ou quoi que ce soit. Donc, quand même, je suis resté surpris de voir, là, on est rendu à 10 milliards de téléchargements. Ben, au nombre d'applications qui peuvent être considérées, selon moi, assez inutiles, ça m'étonne pas trop. Puis au nombre d'applications que justement un iPhone ou un iPod Touch, entre autres, peuvent contenir, ben là, c'est encore moins étonnant. C'est vrai pareil. Puis il y a des applications gratuites sûrement là-dedans qui sont considérées comme téléchargées et des applications quand même à 99 cents aussi qui sont, comme tu dis, peut-être pas très, très intéressantes où on les télécharge et on pense faire de quoi avec ça, mais... Finalement, non. Pas vraiment. Et de ton côté? Ben, on a vu, il y a quelques jours, le trailer officiel de Duke Nukem Forever, oui. Enfin, après... un jeu qu'on attend tous, hein, si on a joué... si on a joué aux premiers opus, il y a quand même, ça date même plusieurs années. Mais si on suit au trailer, faut s'attendre à un gameplay encore, faut le dire, là, c'est un FPS, là, First Person Shooter, mais avec dans l'univers de Duke Nukem, donc un univers très trash, très violent, et aussi avec d'autres thèmes pour adultes. On va le dire comme ça, là. pour être trop explicite dans nos propos. Oui, parce que quand même, on sait que le personnage principal est quelqu'un qui dit tout ce qui passe par la tête, finalement. Oui, puis il fait pas mal ce qu'il veut aussi avec les extraterrestres qui envahissent la Terre et les femmes qu'il rencontre. Mais en fait, dans le trailer, c'est ce qu'il dit, c'est que après que Duke Nukem les ait chassés, ben ils reviennent. Il n'est pas revenu jusqu'à temps que les extraterrestres touchent aux femmes. Puis là, ça l'a mis... ça l'a sorti hors de ses gonds. Il est revenu pour botter le cul des extraterrestres en question. Et c'est dans ce jeu-là que ça va se passer. Ouais, ça fait que si vous tapez ça là, sur Google, YouTube, là, pour le Duke Nukem Forever, je crois que vous allez être... En tout cas, pour les fans de la série qui attendaient depuis... Ou qui ne l'attendaient plus. Hein, ouais, c'est ça. Ça peut arriver aussi. Depuis autant d'années, on sait que la franchise s'est promenée de compagnie en compagnie. Là, donc, c'est souvent ça qui arrive dans le monde du jeu. Hein, quand justement, les compagnies finissent pas pas ce qui avait débuté, bon, pour mille et une raisons. Souvent, les compagnies, des fois, n'existent plus, donc ne peuvent plus développer la franchise en question. Mais moi, ça faisait partie des titres que j'attendais, en fin de compte, pour 2011, quand on a fait la chronique en début d'année sur mes attentes. Et je vous dis, moi, vraiment, là, ça va être quelque chose que... Mais la rumeur était sortie il y a encore, je pense, quelques mois, là, que finalement, il y avait quelque chose qui s'en venait. Oui, c'est ça. Puis on n'était pas trop sûr des dates. Puis, on a un trailer officiel, ce qu'on va espérer qu'on puisse retrouver la boîte. Mais je pense que c'est dans pas si longtemps que ça. Je me rappelle pas de la date exacte. Mais si vous allez justement, là, si vous tapez sur Google la Duke Nukem Forever, vous allez pouvoir avoir toute l'information pour cette sortie-là. Sortie jeu vidéo, mon Dieu, on déparle ici. Et ben demain, on attend. Moi, il y a deux titres que j'attends, Dead Space 2 et Two Worlds 2. Ça fait bizarre de dire ça, Two Worlds 2. Mais Dead Space, on sait que c'est un jeu qui est dans un environnement plutôt de science-fiction. Mm-hmm. Et Two Worlds, qui est complètement à l'opposé. On parle d'un thème médiéval qui ressemble un peu au Elder Scrolls. Puis ça, quand c'était sorti, le premier, on s'attendait vraiment à une grosse compétition avec ce qui était Oblivion à l'époque. Et Two Worlds 1 a été un peu décevant. Moi, ce que j'avais vu, ça a été vraiment décevant. On parlait justement, on basait un peu l'histoire, on basait un peu le personnage, la façon de voir les choses dans le jeu, un peu comme justement Oblivion ou Morrowind se vient jouer par avant. Et on vantait justement les mérites de pouvoir faire un petit peu d'aventure à deux joueurs, donc être chacun à la maison et pouvoir jouer avec son Xbox pour pouvoir jouer la quête ensemble. Puis c'était pas nécessairement ça qui était arrivé, c'était pas extraordinaire, puis même le moteur c'était pas bien défini. Et quand on regarde Two Worlds, de ce que j'ai pu voir comme image et comme vidéo, là, on va arriver avec quelque chose qui pourrait être assez intéressant, avec un petit peu de complexité justement dans les personnages, comment les monter et tout ça. J'ai bien hâte de voir ce jeu-là, parce que je pense qu'on a dû justement essuyer la critique un peu pour faire OK, bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre jeu? On aimerait ça monter quelque chose d'autre. Et ça devrait sortir. Ben, ça sort de même, ça devrait être quand même un jeu intéressant à voir. Sur quelle plateforme? Ben normalement, le Two Worlds, c'est disponible sur le Xbox 360 à l'époque, c'était vraiment ça. Je pense qu'il est disponible également sur le PS3. Mais moi, c'est drôle, ces jeux-là, là, je les joue toujours. J'ai tellement été habitué, parce que quand, par exemple, les Elder Scrolls sortaient, soit sur PC, ou on parle de Morrowind à l'époque, et Oblivion, ça l'a sorti d'abord sur les consoles de Microsoft, sur la Xbox 360. Puis j'ai comme pris une habitude de jouer ce type de jeu-là, le RPG, d'aventure, ben, pas d'aventure et action, mais tout simplement d'aventure RPG. J'ai pris l'habitude de jouer ce type de jeu-là sur la Xbox 360. Puis c'est drôle, je suis pas capable de débarquer de là. Tu vois, moi, c'est PC. Daggerfall, même à l'époque, qui est le premier. Daggerfall, qui est le premier, je pense, même, qui était là avant Morrowind. Oui. Morrowind, Oblivion aussi, ça a toujours été sur PC. Il faut dire que moi, je suis un gros gamer PC. Ben oui, c'est ça. Mais pour Two Worlds, est-ce qu'on s'attend à du multiplayer? Est-ce qu'ils veulent. J'ai pas pu vérifier l'information. Je sais pas si, justement, ils ont réussi à se lancer là-dedans après. Parce que multiplayer, là, on parle vraiment pas d'un MMO là, non, là-dessus. Non. Là. On parle vraiment de quelque chose là, qui est à deux, sinon. C'est pas plus que ça, puis on fait la quête ensemble. Mais, tu sais, j'ai pensé à ça avec une image, disons, un petit peu plus troisième personne, caméra derrière le personnage. À la Oblivion, mettons. À la Oblivion. Il me semble que c'est moins intéressant d'avoir du multijoueur dans ce temps-là. Il me semble un multijoueur, quand tu es capable de voir une vision, une vue un petit peu plus surélevée à la style Diablo, à la style des MMO qu'on connaît en général. Je trouve ça plus intéressant. Ben, si on parle d'Oblivion, juste pour le système de combat où c'est du clic, où c'est pas des commandes qu'on va envoyer, ben mettons qu'il faut avoir une bonne vue d'ensemble autour pour pas accrocher son ami qui est à côté avec son ben, avec un c'est coup ça, d'épée, justement, par exemple. Là, s'il y a des jambes, tout ça, là. C'est ça. Mais c'était aussi une des difficultés d'Oblivion. Il faut se le rappeler. Là, en combat, quand on avait des alliés avec nous, des NPC, ben, tout bad, là. Si on donne un coup d'épée puis ils le reçoivent, ben. Ils mangeaient. Ils sont blessés puis des fois, ils peuvent se retourner contre vous, là. Ouais, ça faisait souvent ça. C'est ça. Ça fait que, ben, ça reste une difficulté, peu importe le genre de jeu. Mais ça, c'est un souhait que j'avais, par exemple, d'avoir un jeu dans ce style-là. Multiplayer, pas un MMO, mais vraiment, comme tu disais, un deux joueurs. Ouais. Ça serait intéressant. Ben en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir par rapport à ça. Ça sort demain. Moi, je vais sûrement aller me le procurer ou, en fin de compte, pouvoir l'essayer pour en parler, c'est la puissance maximale. Et également, bien, j'ai remarqué que sur... Ben, en fin de compte, ça fait une semaine et quelques que j'ai remarqué ça. Le jeu Mass Effect 2 est maintenant disponible pour la PlayStation 3 en téléchargement. Donc, on télécharge un jeu, je pense que ça prend quasiment un bon 6 gigs ou 16 gigs à télécharger parce que c'est un jeu qui est quand même assez gros sur la Xbox 360. C'est sorti il y a un an déjà sur la Xbox 360. Et c'est un jeu qui avait deux disques. Donc, pour un jeu de console à deux disques, c'est plutôt rare qu'on voit ça. Mm-hmm. Et fait intéressant. Bon, bien sûr, les joueurs de PlayStation 3 vont pouvoir l'avoir. C'est un jeu quand même que BioWare a conçu. Et c'est assez extraordinaire, l'environnement, moi, pour y avoir joué et pour avoir recommencé à jouer dans les dernières semaines, parce que c'est comme un jeu que j'ai laissé de côté. Oui. Et là, je suis retombé dedans. Et vraiment, là, je trippe comme un bon. C'est incroyable. Bien, pour les joueurs de PS3, justement, vous aurez la chance de mettre la main sur un jeu comme celui-là. Malheureusement, Mass Effect 1 n'a pas été conçu pour la PS3, donc il n'a pas sorti. Ce qui fait qu'avec Mass Effect 1, on montait notre personnage, qui est le commandant Shepard, et à la fin de l'aventure, finalement, on gardait toutes les données et on peut transférer notre personnage dans Mass Effect 2, ce qui fait que ça influence un peu l'histoire également. Il y a certaines choses qui sont dites qui, selon si ton personnage était bon, méchant, les actions que tu as posées, ça influence l'histoire dans le deuxième. Donc, c'est pas disponible. En fait, c'est pas disponible certainement pour les joueurs de PS3, puisque le premier tome de l'aventure n'est pas sorti. Je trouve ça un peu de valeur que ça n'ait pas été fait. Mais en même temps, BioWare avait signé le contrat avec Microsoft dès le départ. Et ça devait être un jeu normalement seulement PC et Xbox 360. Donc, les joueurs de PS3, si vous êtes un joueur de PS3, vous n'avez jamais joué au premier, ne vous empêchez pas d'y jouer, parce que, oui, parfois il y a des allusions à l'aventure précédente. Bon, on est un peu perdu, pas tant que ça. Mais... c'est vraiment pas c'est pas tragique, là. C'est pas la fin du monde si un tel personnage vient de voir. Ah oui, on se rend compte de nouveau, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'aventure en tant que telle, la définition du jeu, c'est incroyable, c'est vraiment beau. C'est un, si vous aimez les jeux de science-fiction, vous aimez les jeux d'aventure comme ça, un peu rôle, c'est également RPG aventure, oui. Et RPG action, parce qu'il y a vraiment des choses à monter chez notre personnage. Puis si vous n'êtes pas très très bon, ok, quelle habilité je monte en premier, tout ça, il y a des options automatiques aussi pour les joueurs qui sont un peu moins avancés là-dedans. Donc, ça vaut la peine. Moi, je pense que le Mass Effect 2 vaut la peine d'être téléchargé ou d'être acheté pour si vous êtes propriétaire d'une PlayStation 3. Mais tu vois, le problème que tu soulevais de Mass Effect 1 et 2 par rapport au PlayStation, là, on a Mass Effect 2 sur PlayStation. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent entre les consoles. Choisir sa console avant, bien, on regardait souvent les jeux qui étaient disponibles, mais de plus en plus, tout est disponible sur toutes les consoles. Ben, c'est ça, oui. Maintenant, c'était la beauté de la chose quand qu'on... Là maintenant on peut s'acheter la console, il y a ça aussi, c'est la console qu'on veut, ouais. Puis on sait qu'on va pouvoir avoir à peu près tous les jeux, mais là ça veut dire que les consoles, là c'est les consoles qui vont devoir, c'est les développeurs de consoles, les fabricants qui vont devoir aller justement chercher des options différentes sur leur console pour la rendre attrayante. Là on les voit là, avec les Kinect, les Move qui se sont rajoutés à la PlayStation, oui. Et au Xbox, puis toutes les autres options, c'est ces options là maintenant qui vont faire qu'on va choisir une console ou une autre. Parce que là, maintenant, les jeux, la plupart des jeux, s'en viennent toutes multiplateformes. Même, il y en a qu'on peut jouer du PC, Xbox, PlayStation, Wii. Les quatre plateformes sont disponibles. Fait que maintenant, il va falloir, je pense, que les fabricants de consoles aillent au-delà justement du choix de jeu, de la librairie disponible pour offrir un produit plus compétitif puis peut-être revenir à quelque chose de plus stable comme on a vu dans les autres années pour peut-être éviter ce qui s'est passé entre autres avec le Red Ring of Death avec la 360, ouais. Ou le Yellow Ring le Yellow Light of Death qu'on a appelé sous quasiment le même nom que le Red Ring of Death, là, tout simplement. Mais moi, je vais t'avouer franchement que j'aimais bien à l'époque où justement, ben, parce que bon, on s'entend qu'on est tous des joueurs ici, on est tous des gamers. Moi, j'avais pas de problème, j'avais toutes les consoles, puis j'étais content de recevoir mon exclusivité sur la Xbox, puis en fin de compte, d'avoir l'autre exclusivité sur la PS3. Puis s'il y avait un jeu multiconsole là, qui sortait, je choisissais la console sur laquelle je voulais jouer. Là. Il me semble, moi c'est tout simplement ma conception de la chose. Pour les gamers, oui, effectivement, mais vu que on a pu voir justement avec la Kinect, la Move et la Wii, ben le marché s'en va de plus en plus vers le casual gamer. Tout donc, à fait. C'est une des conséquences, je crois bien, de cette virée-là du marché du jeu vidéo. Eh oui. Alors, c'est la fin de l'actualité pour cette édition et on va y aller en musique juste avant la fin de notre émission d'aujourd'hui. On y va avec Pich Trip et c'est la chanson Chien d'Homme. Vous entendez ça sur CKIA, c'est Puissance Maximale. J'ai vu ça dans TV. J'ai déjà vu du monde qui venait de là. Je connais du monde qui sont allés. Ah ouais, peut-être qu'il y en a ici. Puis de leur musique aussi. J'ai zip, puis je trip. J'suis ben zip, puis je trip. J'suis ben zip, y a juste des fois, mais pas souvent. J'aimerais ça qu'il y ait du monde qui m'appelle. Genre une belle fille qui m'invite au restaurant. Mais heureusement, je me réveille, puis je trip. Pourquoi je sortirais dehors? J'ai la météo sur quatre postes. J'ai une peur atroce de l'effort. J'aime mieux résister en compost. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Eh bien, nous autres aussi, à Puissance Maximale, on trippe et vraiment vous faire une émission de radio remplie de surprises et d'entrevues comme on est aujourd'hui, d'actualité. Et c'est presque la fin de notre émission d'aujourd'hui. Le temps de vous rappeler que c'est une situation d'urgence CSQIA, donc on a besoin de votre aide, on a besoin de... On a un objectif de 1000 nouvelles adhésions membres de CQIA. Ce serait important que les gens de Québec se mobilisent pour cette station qui, depuis 25 ans, est une radio active et actrice, témoin de la culture de l'actualité des luttes populaires ici à Québec. C'est une multitude d'émissions de radio à la radio communautaire, diversité de sujets, sexualité alternative, les actualités latines, haïtiennes, la musique rare, féminisme, anarchisme, les jeux avec puissance maximale, une station qui est bien ancrée ici dans son quartier. Et en venant membre de CKIA, bien, ça vous donne des rabais chez quelques commerçants, par exemple la librairie Pantoute, l'Alpaca, Bal du Lézard, la Barberie, l'Abraham Martin, le Foubar, Café Babylone, une tonne. Et pour le faire, bien, vous le faites par Internet sur CKIAFM.org. Également, vous pouvez faire en personne sur les heures de bureau à CKIA sur au 600 Côte d'Abraham et par téléphone sur les heures de bureau également le 529-90-26. La situation est urgente. On a besoin de vous. Vous pouvez faire la différence en devenant membre de cette radio, une radio indépendante, radio communautaire à Québec. Et bien, ça va être bientôt. C'est la fin de l'émission Puissance Maximale d'aujourd'hui, mon cher Michael. Et bien, on va remercier les gens qui ont participé à notre émission en débutant avec notre premier invité qui était Alexandre Fizet avec François. On salue François également. François qui a fait l'entrevue. Et bien, il y en avait également ton invité, Michael. Monsieur Luc Biron, président de la Société d'animation japonaise des Deux-Rives pour le Festival d'animé. Auquel tu participeras dans deux semaines d'ici. Tu feras une couverture complète pour Puissance Maximale. Merci beaucoup, Michael Michaud, d'avoir été avec nous aujourd'hui à Puissance Maximale. Merci à toi, Vincent Langlois, d'avoir animé avec autant de brio comme à l'habitude. Ben voyons, Ben merci beaucoup. Et bien, on se souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jeu et on revient la semaine prochaine. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D! Fighting with the legends of yore. It's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but...